سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on commence aujourd'hui le cours 64 dans la lecture du livre Kitab al-Kaba'ir, écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Le titre du chapitre qu'on commence aujourd'hui, c'est le titre du chapitre, c'est Babun man tabarra'a min nasabihi, c'est-à-dire le chapitre au sujet de celui qui s'est désavoué de sa lignée ou de son origine, hein, de sa famille, de sa tribu. C'est-à-dire, il rejette, hein, son appartenance à sa tribu ou à sa famille ou à sa lignée, et ainsi de suite. Et que ça fait partie des grands péchés. OK? Le cheikh, il cite dans ce chapitre quelques hadiths. Et il dit premièrement, « An Amr ibn Shu'ayb, an Abihi, an Jaddihi, marfou'an. » كفر من تبرأ من نسبه وإن دق أو ادعى نسبا لا يعرف أخرجه أحمد وبنحوه ابن ماجه ولفظه عند أحمد كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق أو ادعاء إلى نسب لا يعرف. Donc, c'est rapporté selon Amr ibn Shu'ayb, selon son père, selon son grand-père. Et c'est rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui s'est désavoué de sa lignée, ou bien de son origine, de sa tribu, ou de son père, même si c'est d'un petit peu, hein, eh bien, c'est comme s'il avait commis un acte de mécréance. Et quiconque également prétend une lignée ou un lien de parenté qui n'est pas connu. Donc, ça c'est la narration ici qui est rapportée, c'est selon Ahmed, et rapportée également, il y a une autre version selon Ibn Majah. Il rapporte la même chose. Et il y a une autre version qui est rapportée, celle qui est rapportée par Ahmed, ça dit, c'est une forme de mécréance. Hein, c'est comme une forme de rejet de la foi en Allah que de se désavouer de son origine ou de ses liens de parenté, même si c'est un petit peu, ou bien de prétendre une lignée ou des liens de parenté qui ne sont pas connus. Après, le cheikh il cite, il dit que c'est rapporté également par At-Tabarani dans son sens, selon un hadith de Abu Bakr al-Siddiq. Donc il y a un hadith dans le même sens qui est rapporté dans At-Tabarani, selon Abu Bakr al-Siddiq, et il est dans Al-Awsat de At-Tabarani. Il est également rapporté dans As-Sunan de l'imam Ad-Darimi, et aussi dans la Musnad de l'imam Al-Bazzar. Ensuite, il dit ولي أبي داود وابن حبان عن أبي هريرة رضي مرفوعا أيما امرأة دخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها ولن يدخلها جنته، وأيما والد جحد ولده، وأيما والد جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين. Ça, c'est un hadith qui est rapporté selon Abu Daoud ibn Hibban, selon Abi Huraira. Donc, il est rapporté par Abu Daoud ibn Hibban. Il est également rapporté par An-Nasa'i dans As-Sunan. Et il dit que c'est rapporté donc selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, qu'il a dit, toute femme qui fait rentrer chez des gens celui qui ne fait pas partie d'eux, alors elle n'a aucun lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire elle n'aura rien, elle n'a rien à voir avec Allah subhanahu wa ta'ala en quoi que ce soit, et elle n'entrera pas dans son paradis. Et tout père qui renie son enfant alors qu'il le voit, alors qu'il le regarde, eh bien il sera voilé d'Allah, il sera voilé de voir Allah au jour de la résurrection. Et il sera humilié devant toutes les créatures, les premières jusqu'aux dernières. Il sera humilié devant toutes les créatures au jour de la résurrection, les premières jusqu'aux dernières. On va lire l'explication de ce chapitre et des hadiths qui ont été mentionnés. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit, قوله تبرع من نسبه أي يقول إنسان نسبه وإنسان نسبه معروف أنا بريء من هذا النسب. هذا لا يجوز. Le Cheikh, il dit, si quelqu'un, comme c'est mentionné dans le hadith, il se désavoue de son origine, de sa famille, de ses parents, de sa tribu, il dit, non, moi, je n'ai rien à voir avec cette famille. Moi, je ne suis plus dans cette famille. Je rejette cette famille. Je rejette cette tribu. Je rejette mes liens de parenté. Je renie mon père, et ainsi de suite. Eh bien, le cheikh, il dit, alors que sa famille est connue, ses liens de parenté sont connus, et il le renie, eh bien, dans ce cas-là, il dit, ça, ce n'est pas permis. Ça, c'est haram. Ce n'est pas permis de faire ça. Il dit, لِأَنَّ التَّخَلُّصْ مِنَ النَّسَبْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ أُمُورٌ وَمَفَاسِدٌ. Il dit, la raison pour laquelle cette chose-là est interdite, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses mauvaises qui découlent de ce genre de paroles. Il y a beaucoup de choses mauvaises qui découlent de ce genre de paroles. Et il dit, parmi celles-ci, il dit, وَمِنْهَا قَطِيعَةُ الرَّحِمْ وسقوط نسبه بين الناس فلا يجوز التصرف فيه فإن فعل كان عليه الوعيد الشديد. Donc le cheikh, il dit, parmi les méfaits de nier son origine, de nier ses parents, il y a que tu vas couper les liens de parenté, et ça, c'est un grand péché. Couper les liens de parenté, ça, c'est un grand péché. Également, il y a le fait que yani ta famille ou ta lignée va perdre de sa valeur, ou bien elle va être méprisée chez les gens. Les gens ne vont plus la regarder avec respect à cause de ça. Également, le cheikh, il dit, c'est pas c'est pas permis de yani commencer à agir de cette façon-là par rapport à tes liens de parenté. Et c'est pour ça que celui qui fait ça, il est menacé d'une menace sévère dans les hadiths qu'on a mentionnés. Il dit, وقوله كفر من تبرع من نسبه وإن دق المعنى أن من تخلى عن نسبه فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فإن الكفر هنا معناه الكفر الأصغر أي الذي لا يخرج صاحبه من الملة. Donc le cheikh, il dit, celui qui a renié, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, celui qui a renié son origine ou sa lignée, même si c'est d'un peu, de rien du tout, il a commis donc un acte de mécréance. Et ça, c'est pour dire en fait qu'il a commis un grand péché parmi les grands péchés, car la mécréance dont il est question dans ce hadith, c'est la mécréance mineure. C'est le kufr mineur et non pas le kufr majeur. Et donc, ça ne fait pas sortir la personne qui l'a commis de la religion. La personne va plus, va pas, on ne va pas dire d'elle qu'elle n'est plus musulmane ou qu'elle est sortie de l'islam. Non, on va dire d'elle qu'elle a commis un grand péché parmi les grands péchés, car c'est une forme de mécréance qui est une mécréance mineure, non une mécréance majeure. Le cheikh il dit ensuite: فدل الحديث على أنه لا يجوز للمسلم أن يجحد نسبه ويتبرأ منه ويغيره وإلا فقد وقع في الكفر وهو كفر النعمة وحتى وإن كان نسبه ليس معروفا أو مرفوعا عند الناس ليس مرفوعا عند الناس وعليه أن يرضى به مهما كان فإن مكانة الناس عند الله إنما هي بالتقوى فإن كان عبدا تقيا لم يضره نسبه وإن كان وضيعا وإن كان فاجرا شقيا فلن ينفعه نسبه وإن كان شريفا. Donc le cheikh il met un point ici, il dit que le hadith il indique une chose, c'est qu'il n'est pas permis aux musulmans de renier son origine, sa lignée, sa généalogie. Celui qui renie cela ou qui le change, eh bien il est tombé dans une forme de mécréance qui est, comme on a dit, une forme de mécréance mineure. Parfois les ulama ils font allusion à cette forme de mécréance comme étant kufru ni'ma. Kufru ni'ma. Qu'est-ce que ça veut dire kufru ni'ma? Ça veut dire de renier la grâce d'Allah. Une sorte de une façon de renier. Oui, kufru ni'ma, ça veut dire tu renies la grâce que Allah t'a faite. T'es ingrat. Donc c'est une forme d'ingratitude en fait, puisque le cheikh il dit même si ta lignée ou ta généalogie ou ta famille, c'est pas une famille qui est élevée ou qui est importante socialement ou dans la société, mais tu dois quand même être satisfait de cette lignée-là et de cette famille-là. Pourquoi? Parce que peu importe, même si elle est très modeste comme famille, eh bien l'importance d'une personne auprès d'Allah, ce n'est pas déterminé par sa lignée ou son rang social ou sa classe sociale ou sa noblesse. C'est uniquement par sa piété. Donc, même si un serviteur d'Allah est d'une famille qui est modeste, ou bien d'un rang social qui est bas, mais s'il est pieux, cette famille-là, ou le fait d'être de cette famille, ça ne va pas lui faire aucun tort. Ça ne va pas lui faire aucun tort. Donc, même si ta famille, par exemple, c'est des gens très, très, très modestes, que tu es d'une caste, dans ton pays, par exemple, il y a des castes ou il y a des classes sociales, et que toi, tu viens d'une classe sociale très modeste, très basse dans la société, mais que toi, tu es une personne qui est pieuse, qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui respecte les principes de la religion d'Allah, eh bien, malgré cette réalité ou ce fait-là, que ta famille soit une classe qui est modeste ou très, très faible dans la société, mais tu es élevé par ta piété. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui, tu as plus de valeur et t'es plus élevé en degré que la personne qui vient d'une famille qui est respectable et noble, mais qui est, par exemple, un pécheur et qui fait beaucoup de péchés, qui est désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pas la famille que tu viens d'une famille, par exemple, qui est une famille riche et respectée et noble et qui a une bonne réputation dans la société, mais que c'est des gens qui sont dans le péché. Non, ça c'est, Yanni, ça va pas te faire aucun bienfait. Ensuite, le cheikh, il explique que, juste un instant. Okay. Ensuite, le cheikh il dit: "Wa amma ma jaa fi hadith Abi Hurayra, ayyuma imra'atin dakhalat 'ala qaumin man laysa minhum bi an tansiba al-mar'a 'alaykum assalam wa rahmatullah, tansiba al-mar'a li zawjiha waladaha min ghayrihi. Wa hadha al-fi'l min al-kaba'ir li'annahu yatarattab 'alayhi mafasid kathira." Donc, par exemple, ce qui est rapporté dans l'autre hadith, c'est rapporté selon Abi Huraira, radiyallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: toute femme qui fait rentrer chez des gens un enfant qui ne fait pas partie des leurs, c'est-à-dire que la femme, par exemple, elle va attribuer à son mari un enfant qui n'est pas le sien. Eh bien, ça, c'est de faire un grand péché. Et il y en a des méfaits énormes qui découlent de ça. Comme par exemple, une femme, par exemple, qui a eu un enfant de mariage préalable, puis elle va dire aux gens que cet enfant-là, c'est l'enfant de son mari actuel, alors que c'est pas son père. Hein? Le cheikh, il dit, qawluhu, wa qawluhu, c'est ça. Il dit ensuite, donc, que ça, c'est un grand péché et qu'il y a des méfaits qui découlent de ça. Le cheikh, il dit, wa qawluhu, laysat min Allahi fi shay. هذه براءة من الله عز وجل من التي تفعل مثل هذا الأمر والوعيد الآخر أن الله يحرمها من الجنة وهذا وعيد شديد فتوعدها بعدم الرحمة والعفو وهذا وعيد شديد فلا يجوز للمرأة أن تلصق بالقبيلة من ليس منهم. Donc le cheikh il explique que il explique et il dit que le prophète sallam a dit, elle n'a rien à voir avec Allah subhanahu wa ta'ala, cette femme qui agit comme ça. Et donc ça c'est un désaveu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se désavoue de la femme qui agit de cette manière et ça c'est une menace sévère également. Et il y a une autre menace par la suite qui dit que elle n'entrera pas au paradis. Allah va lui priver. Va la priver d'entrer au paradis. Et ça aussi, c'est une autre menace qui est très sévère. Et c'est comme si il dit qu'il ne lui fera pas miséricorde, il ne va pas la pardonner. Donc ça, c'est une menace sévère. Et donc, il n'est pas permis à la femme de faire rentrer dans la tribu ou dans la famille quelqu'un qui n'en fait pas partie. Le cheikh, il dit, « Wa kadhalika idha ankara al-walad waliduhu » إذا أنكر الولد والده أو أنكر الوالد ولده إذا أنكر الولد ولده أو أنكر الوالد ولده وقوله وهو ينظر إليه أي يعرف أنه ولده فإذا ما نفاه وأنكره فهو متوعد يوم القيامة بأن يحتجب الله عنه فلا ينظر إلى الله يوم القيامة كما ينظر إليه المؤمنون فيحرم أو يحرم من لذة النظر إلى الله عز وجل ودل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب والأمر الآخر أن الله يفضحه على رؤوس الخلائق يوم القيامة والحاصل أنه لا يجوز للآباء أن يتبرؤوا من أبنائهم ولا للأولاد أن يتبرؤوا من آبائهم. Donc le cheikh il explique ensuite et il dit que il n'est pas permis à l'enfant de renier son père et il n'est pas permis non plus au père de renier son fils ou son enfant. Et il dit alors qu'il le regarde, c'est-à-dire alors qu'il sait que c'est son fils. Donc celui qui renie son fils et qui refuse de le reconnaître, eh bien il est menacé au jour de la résurrection d'être voilé d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire il ne pourra pas regarder Allah au jour de la résurrection comme les croyants vont le regarder. Et naam. Et si c'est un fils illégitime? Bon, ben là ça c'est pas pareil, mais dans ce cas-là il va être c'est-à-dire si c'est un fils illégitime dans le sens où sa mère n'était pas mariée avec cet homme-là, puis que il a eu cet enfant-là avec elle dans le zina, dans le haram, là, dans ce cas-là, c'est pas reconnu. Il ne sera pas reconnu comme étant son fils, même s'il est reconnu biologiquement comme étant son fils, mais il ne va pas être reconnu civilement ou religieusement comme étant son fils. Dans ce cas-là, on ne va pas reconnaître ça. Mais, n'empêche que, là, on parle d'un autre cas. On parle d'un cas où l'enfant est légitime et il est né dans le mariage et que le père il le renie. Hein? Il lui dit par exemple, t'es plus mon fils. Ça arrive des fois de la part des parents qui disent ça à leurs enfants. Des fois, par exemple, leurs enfants, ils font des péchés ou des choses pas correctes. Puis après, le père, il est fâché. Alors, il dit à l'enfant, toi, t'es plus mon fils. Ou bien l'enfant, il est fâché avec ses parents. Il dit, toi, t'es plus mon père. Ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas permis. Ça fait partie des grands péchés. Et donc, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ici, Allah, il va pas le regarder au jour de la résurrection. Il va pas regarder Allah au jour de la résurrection, contrairement aux autres croyants. Et donc, il va être privé du plaisir de pouvoir regarder le visage d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est le plus grand plaisir qui soit pour les croyants. Et donc, ça, c'est une indication que c'est un péché parmi les grands péchés. Et que cette chose-là, une autre chose aussi qui est mentionnée dans le hadith, c'est que la personne en question va être humiliée devant toutes les créatures, devant tous les hommes, hein? Des premiers jusqu'au dernier. Donc, ça, c'est l'humiliation totale, subhanallah. Et il dit, والحاصل أنه لا يجوز للآباء أن يتبرؤوا من أبنائهم ولا للأولاد أن يتبرؤوا من آبائهم. Donc, pour résumer, il n'est pas permis aux enfants, aux parents de renier leurs enfants, ni aux enfants de renier leurs parents. Peu importe, hein? Peu importe le fait que, yani, subhanallah, le plus grave des péchés, c'est le shirk. Et tes parents peuvent être des mouchriquines, et Allah, malgré tout, il dit dans le Coran que tu dois avoir un bon comportement avec eux, même s'ils sont des mouchriquines. Hein? Alors imagine si ils ont d'autres péchés qui sont moindres que le shirk. Hein? Donc, il y en a des enfants, ils sont ingrats envers leurs parents, et ils vont dire, par exemple, quand ils sont devenus plus grands, ah, il s'est pas bien occupé de moi. Ah, il m'a pas donné ci. Ah, il m'a pas donné ça. Ah, il m'a pas fait ci. Ou il m'a pas fait ça. Subhanallah. Il t'a mis au monde. Il a été une cause dans ta création et dans ta naissance. Comment tu peux le renier, hein? Subhanallah. Peut-être un jour toi aussi tu auras des enfants et puis ils vont te renier aussi à cause de ça. Parce que toi tu n'as pas été, hein? Tu n'as pas été il y a un compatissant puis compréhensif envers tes parents. Tu as été dur envers eux. Eh bien, comme ça, tes enfants vont être durs envers toi. De la même façon. Hein? Nasallallahu al-afiyah. Parce que souvent, comme on dit en arabe, kamatadin ou tudan. La façon comment tu traites les gens, c'est comme ça que on te traite. Hein? Non, non, ça c'est pas un hadith. Mais c'est une des réalités des choses de la vie, tu vois. Comme t'as dit, nous tout donne. Et il y a une parole qui est mentionnée comme ça dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, agis avec les gens comme tu veux que les gens agissent avec toi. Donc ça rentre dans ce sens-là, yani. Un autre hadith, un autre chapitre plutôt, c'est le chapitre suivant, Babun man idda'a ma laysa lahu. C'est-à-dire, celui qui prétend ce qui ne lui appartient pas ou ce qui n'est pas à lui, ou celui qui fait preuve d'injustice ou de perversité dans les disputes quand il a un désaccord ou une argumentation avec quelqu'un, il est pervers. Donc, dans ce chapitre, il y a quelques hadiths qui sont mentionnés. Il dit le premier hadith, وَفِيهِ حَدِيثِ ابْنُ عَمْرٍ في الصحيحين وروي عن ابن مسعود وعمر رضي الله عنهما من قال أنا مؤمن فهو كافر ومن قال هو في الجنة فهو في النار ومن قال هو عالم فهو جاهل. نعم. Donc, il dit que ça c'est un hadith de Ibn Amr dans Al-Bukhari et Muslim, et c'est rapporté selon Ibn Mas'ud et Omar Ibn Al-Khattab radiyallahu anhuma. Ici, je ne sais pas si c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien c'est parce qu'ici il mentionne que yushiru ila qawlihi صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا وقد سلف تخريجه. Donc il dit, il fait allusion au hadith de Ibn Amr, qui est le hadith dans lequel il mentionne qu'il y a quatre caractéristiques. Celui qui les possède ou celui dont les ces quatre caractéristiques, celui celui qui a ces quatre caractéristiques-là présentes en lui, il est un pur hypocrite. Et ces quatre caractéristiques-là, c'est lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il brise sa promesse. Lorsqu'il fait il prend un engagement, il brise son engagement. Et lorsqu'il dispute avec quelqu'un, il est pervers ou il est injuste dans son argumentation ou dans sa dispute. Et aussi, il y a une autre version. C'est ça. Ça c'est. Il y a deux versions de ce hadith-là. Mais ici le cheikh, il l'a cité, il l'a pas cité. Il a cité le hadith en question, mais il l'a pas mentionné. Et après, il a dit, il est rapporté selon Ibn Mas'ud et Omar, que celui qui dit je suis croyant, alors il est mécréant. Celui qui dit je suis au paradis, alors il est en enfer. Et celui qui dit je suis un savant, il est un ignorant. Et ça, c'est rapporté par Al-Harith ibn Abi Usama, selon Omar ibn al-Khattab. Donc, ce n'est pas un hadith, ça, c'est une parole de Omar ibn al-Khattab. Oui, c'est une athar de Omar ibn al-Khattab, dans laquelle il dit, radiyallahu anhu, celui qui dit je suis croyant, c'est un mécréant. Celui qui dit je suis dans le paradis, il est dans l'enfer. Et celui qui dit je suis un savant, c'est un ignorant. Et il dit, wa عن أبي ذر مرفوعا ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن رمى مسلما بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك Il l'a hara alayhi. Donc c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Dharr radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout homme qui prétend appartenir à autre qu'à son père alors qu'il connaît son père, alors il a commis un acte de mécréance. Celui qui prétend ce qui ne lui appartient pas, c'est-à-dire il déclare que quelque chose lui appartient alors que ça ne lui appartient pas, alors qu'il prépare son siège ou sa place en enfer. Et il dit, et quiconque accuse un musulman de mécréance ou qui lui dit, ô ennemi d'Allah, alors qu'il ne l'est pas, c'est-à-dire alors qu'il n'est pas ainsi, excepté que cela retournera contre lui. Hein? Ça va retourner contre lui. Subhanallah. Et le cheikh Al-Fawzan, il clarifie et il explique ces points-là. Oui. Il commence, il dit celui qui, dans la athar de Omar ibn al-Khattab, il dit celui qui dit je suis croyant, c'est un mécréant. Celui qui dit je suis au paradis, alors il est dans l'enfer. Et celui qui dit qu'il est savant, alors c'est un ignorant. Naam. Ensuite, l'autre hadith, on a terminé de le traduire aussi. Le cheikh Al-Fawzan dit قوله من ادعى ما ليس له كأن يدعي أحد حقوق الآخرين ليأخذها ظلما أو يدعي أنه يعمل عملا صالحا أو أنه يتصدق وهو ليس كذلك وهذا كبيرة من الكبائر كما قال الله تعالى ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وهذه صفة اليهود الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور وفدل هذا على أن الأصل في المسلم أن لا يدعي ما ليس له سواء كان ذلك حقوقا للناس أو صفة من الصفات أو منزلة من المنازل التي لم يبلغها لأن هذا تزوير وكذب وخداع Le cheikh, il explique, il dit, celui qui prétend ce qui n'est pas en lui ou ce qui ne lui appartient pas, comme par exemple, quelqu'un qui prétend que le droit des autres lui appartient pour leur prendre injustement, pour prendre injustement ce qui est à eux, ou qui prétend avoir fait telle ou telle bonne action, hein, ou qu'il a donné de l'argent en aumône, wa alaykoum salam wa rahmatullah, ou qu'il a donné de l'argent en aumône alors qu'en réalité il n'a rien donné. Donc il dit j'ai fait ça, puis il n'a pas fait. Hein? Imaginez quelqu'un qui dit par exemple, oui j'ai fait le hajj, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait telle bonne action, j'ai donné en sadaqa, alors que ce n'est pas vrai. Ça c'est un grand péché parmi les grands péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh, il cite le verset dans surat Al-Imran, le verset 188, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne pense point que ceux-là qui exécutent, ne pense point que ceux-là qui exultent de ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que ça veut dire, qui exultent? Ça veut dire qu'ils se réjouissent. Hein, qui sont contents, qui sont réjouis. Donc, ne pense point que ceux qui se réjouissent de ce qu'ils ont fait et qui aiment qu'on les loue, c'est-à-dire qu'on leur fasse des éloges et qu'on les glorifie, ils aiment qu'on leur fasse des éloges et qu'on les glorifie pour ce qu'ils n'ont pas fait. Subhanallah. Vous imaginez quelqu'un qui aime se faire glorifier pour quelque chose qu'il n'a même pas fait. 188. Ouais. Donc ils aiment se faire glorifier pour qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. Et le verset dit ensuite qu'ils trouvent une échappatoire au châtiment. Hein? Qu'ils trouvent une échappatoire au châtiment. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, ne pensez pas qu'ils peuvent s'échapper du châtiment. C'est ça que ça veut dire. Pour eux, il y aura un châtiment douloureux. فلا تحسبنهم بما فازة من العذاب. Subhanallah. Donc le cheikh, il dit ça, c'est une des caractéristiques des juifs, qu'ils aiment être glorifiés pour ce qu'ils n'ont pas fait. C'est-à-dire, ils aiment se faire glorifier pour des actions, des bonnes choses qu'ils n'ont pas, même pas faites. Et ils sont contents de ça. Alors qu'en réalité, si on te glorifie pour quelque chose et que toi, tu sais que tu ne l'as pas fait, la moindre des choses, c'est de dire à la personne, non, j'ai jamais fait ça, qu'est-ce que tu dis là? Hein? C'est comme quelqu'un qui les gens, ils disent, ah, c'est toi qui as donné la sadaqa, c'est toi qui as fait ça, puis toi, tu sais que c'est pas toi, mais tu vois que les gens te glorifient, alors tu es content, tu dis, oui, c'est... Hein, oui, ça, c'est pas correct. Non, tu dis, non, j'ai pas donné de sadaqa, tu vois. Donc, le cheikh, il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Asma, la fille de Abi Bakr, radiallahu anha, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Al-mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisu thawbay zour. Al-mutashabbi', c'est celui qui se remplit, qui se remplit le ventre jusqu'à ce qu'il a plus faim. Hein? Yashba, al-mutashabbi, celui qui yani, se remplit de qu'est-ce qu'on ne lui a pas donné. C'est comme quelqu'un qui portait deux vêtements de mensonge. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que yani, la personne, elle se vante pour des choses qu'elle n'a pas faites. C'est comme si la personne, elle se vantait pour des choses que ce n'est pas elle qui a faites en réalité. Donc c'est grave. Et donc elle prétend ce qui ne lui appartient pas. Et ça c'est la preuve que le musulman ne doit pas prétendre ce qu'il n'a pas. Et peu importe que ce soit par rapport à des droits des autres personnes ou une caractéristique parmi des caractéristiques que les gens t'attribuent alors que tu sais que toi tu n'as pas cette caractéristique-là en toi. Si c'est des qualités par exemple. Les gens, ils disent, oh, lui, il est généreux, il est comme ci, il est comme ça. Alors que ce n'est pas le cas. Ou qu'ils te donnent, ils te mettent à un statut ou à un niveau que tu n'as pas atteint. Comme les gens qui nous disent, ah, oh, mashallah, cher et tout. C'est comme des gens qui viennent me voir et disent, ah, toi, t'as étudié à Médine, t'es gradué, t'as un diplôme de l'université. J'ai dit, non, j'ai pas étudié. J'ai étudié à Médine, mais j'ai pas de diplôme. J'ai pas terminé. Ça rentre dans ça. Si quelqu'un, il est content, il dit, quand on lui dit, par exemple, ah, toi, t'as un diplôme de l'université, puis lui, il dit, oui, oui, j'ai étudié. Alors que c'est même pas vrai, il n'a pas de diplôme. Même dans les choses de la dunya, c'est la même chose. Ouais, non, c'est ça. Donc, si tu n'as pas de diplôme, tu dis, oui, j'ai un diplôme, ça, c'est du mensonge. Hein? C'est comme d'autres qui disent, ah oui, j'ai une tazkiya de tel cheikh, alors que même pas, il n'a même pas de tazkiya. Ou bien que il prétend, ah oui, j'ai étudié avec tel cheikh et tout, puis pour de vrai, il n'a pas étudié avec ces choses-là. Donc, tout ça, ça rentre là-dedans aussi. Hein? Allah al-Musta'an. Donc, ça ne sert à rien d'inventer des mensonges. Ça ne sert à rien parce que de toute façon, Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait que ce n'est pas vrai. Et tu ne peux pas tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu peux tromper les hommes, mais tôt ou tard, la vérité, elle va sortir. Et les gens vont savoir que tu es un imposteur, que tu es un menteur, que tu inventes des choses. Donc, ça ne sert à rien de mentir dans ces choses-là. Allah al-Musta'an. Le cheikh, il dit que ça fait partie de la trahison et du mensonge, de la traîtrise et du mensonge. Le cheikh, il dit, « قَوْلُهُ إِذَا خَاصَمَ فَجَرْ هَدِهِ مِنْ صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ أَنَّهُ إِذَا خَاصَمَ كَذَبَ أَمَّا الْمُسْلِمِ فَإِنَّهُ إِذَا خَاصَمَ صَدَقْ سَوَأَ كَانَ لَهُ الْحَقْ أَوْ عَلَيْهِ. Le cheikh, il dit, si il a une dispute, le musulman, il a une dispute avec quelqu'un d'autre, il a une dispute avec quelqu'un d'autre, il dit qu'il ne doit pas mentir, il doit être véridique. Donc, la caractéristique de l'hypocrite, c'est que lorsqu'il a une dispute avec quelqu'un, il ment. Hein? Tandis que le musulman, non. Le musulman, il doit être véridique. Peu importe que le droit soit avec lui ou contre lui. Donc, peu importe qu'il ait raison ou il ait tort. Donc, tu ne vas pas mentir juste pour avoir raison. D'accord? Et donc, il dit le cheikh, « Fal muslim, hatta wa in waqa'a alayhi zulm, fala yukhrijuhu hadha an tamassukihi bi ahkami dinihi. » Donc, le musulman, même s'il est tombé dans une injustice, ou bien il a subi une injustice, eh bien ça ne doit pas le faire sortir de l'attachement qu'il a aux règles de sa religion. فَلَا يُزَوِّرُ وَلَا يَكْذِبُ مِنْ أَجْلِ أَنْ تَخْرُجَ الْقَضِيَّةَ لِصَالِحِهِ. C'est-à-dire qu'il ne doit pas falsifier les preuves, il ne doit pas non plus mentir dans le but d'avoir le gain de cause dans son procès ou dans une cause qui est dans un problème qu'il a avec quelqu'un d'autre. Donc, s'il commence à mentir pour gagner, eh bien là, ça rentre dans ce genre de caractéristiques-là. Ça c'est l'attitude de l'hypocrite. Et il dit, « Wa amma al-munafiq fayastakhdimu kulla al-wasail hatta ghayr al-mashru'a min ajli tahqiqi masalihihi. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qal, ayatu al-munafiqi thalath, إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتى من خان وإذا خاصم فجر وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. Le cheikh, il explique que l'hypocrite, donc il utilise tous les moyens possibles pour arriver, même si c'est contraire à la religion, dans le but de réaliser son intérêt et son objectif. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira, et cette narration-là, c'est la narration de Muslim, qui dit que le signe de l'hypocrite, c'est trois choses. C'est-à-dire, les signes de l'hypocrite sont trois. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il manque à sa promesse. Lorsqu'on lui fait confiance, hein, il trahit la confiance qu'on a placée en lui. Et C'est-à-dire, quand on lui a donné un dépôt, on lui a donné quelque chose à garder, ou on lui a fait confiance dans quelque chose, lui, il a trahi. Et idha khasama fajar, si il a une dispute avec quelqu'un, il va mentir, il va utiliser tous les moyens possibles pour trahir ou pour mentir ou pour agir injustement. Même si il a des signes de l'hypocrite, même s'il prie, même s'il jeûne, même s'il prétend être musulman. Donc c'est pas juste dire avec la bouche je suis musulman si tu fais le contraire. Toi, ça respecte pas dans ce cas-là les principes de l'islam. Le cheikh il dit wa amma hadith ibn Mas'ud wa Omar وفيه أنه قال من كان مؤمن من قال أنا مؤمن فهو كافر لأن المسلم لا يزكي نفسه فمن قال أنا مؤمن فهو كافر يعني الكفر الأصغر ومن حكم لنفسه أنه في الجنة فهو في النار لأنه لا يدري ماذا تكون عاقبته وهو كذلك لا يدري ما عنده من العمل الذي يؤهله لدخول الجنة وهذه الصفة هي صفة اليهود والنصارى الذين قال الله عنهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne le hadith de Ibn Mas'ud et de Omar, il y a dedans que il a dit celui qui dit je suis croyant, il est mécréant. Le cheikh, il dit, c'est-à-dire que le musulman, il ne doit pas se vanter lui-même et se purifier lui-même. Celui qui dit « je suis croyant », alors il est mécréant, c'est-à-dire la mécréance mineure, c'est-à-dire le kufr mineur. Pas le kufr qui fait sortir de la foi ou de l'islam, mais le kufr mineur dans le sens que ça fait partie des grands péchés. Tu ne dois pas te vanter toi-même, tu dis « oui, moi je suis un croyant ». Yani, subhanallah. Il faut être modeste et surtout dans ces questions-là. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait réellement si tu es un croyant ou non. Et celui qui juge pour lui-même qu'il est dans le paradis, il sera en enfer. Il dit parce que tu ne sais pas où tu vas être à la fin. C'est quoi? Qu'est-ce que ça va être ta conclusion? Et tu ne sais pas non plus qu'est-ce que tu auras comme œuvre qui vont te rendre éligibles ou bien qui vont te permettre de rentrer au paradis. Parce que, en réalité, tu fais des bonnes œuvres. Mais est-ce que ces bonnes œuvres-là sont acceptées d'Allah quand tu fais tes bonnes œuvres? Allah n'accepte que de ceux qui sont pieux. Donc, est-ce que toi, tu peux être certain à 100% que toutes tes œuvres, Allah va les accepter? Donc, c'est un peu comme de la prétention, d'être prétentieux que de dire « je vais rentrer au paradis ». Quoi, le paradis, ça t'appartient? C'est toi qui décides si tu rentres dedans ou non? C'est toi qui décides qui rentre, qui rentre pas? Il y en a des fois, par exemple, certains, Allah al-Musta'an, quand ils parlent du paradis ou de l'enfer, on dirait que ça appartient à leur père. Ils pensent que le paradis, ça leur appartient ou bien ça appartient à sa famille. C'est lui qui décide qui rentre, qui rentre pas. A'udhu billah. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide qui rentre pas. Et il nous a dit quoi faire pour rentrer et quoi faire pour ne pas y rentrer. Et c'est à nous de faire ce qu'il nous ordonne et de s'écarter de ce qu'il nous interdit et d'être sincère pour qu'on puisse justement profiter de sa miséricorde et rentrer justement dans son paradis. Donc, le fait de prétendre et de dire, moi oui, je vais rentrer au paradis, c'est comme j'ai rencontré parfois des chrétiens. Ils m'ont dit, est-ce que toi, tu es capable de dire que tu vas rentrer au paradis? J'ai dit, non, je ne peux pas dire ça. Alors il a dit, moi je suis garanti au paradis, ça y est, je suis sauvé par Jésus-Christ, il m'a sauvé, je ne sais pas quoi. Il dit, vous, il m'a dit, vous, si vous ne pouvez pas savoir si vous êtes au paradis, ça veut dire que votre religion, elle n'est pas vraie. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. J'ai dit, mais j'ai dit, dans ce cas-là, c'est ridicule. Tu peux faire, tu penses que le paradis, c'est hein? Est-ce que tu as un papier qui garantit, c'est écrit dessus? Hein? Allah t'a donné ça, qui dit, ça y est, je rentre au paradis, ou est-ce qu'elle est la preuve? Hein? C'est comme Allah dit dans le Coran, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Elle est où votre preuve? Hein? On peut dire, comme Allah il le dit dans le Coran, les croyants sont au paradis, les mécréants sont en enfer. Mais qui va être au paradis, qui va être en enfer? Ça, c'est Allah qui sait. Mais on espère pour le pieux, puis on craint pour celui qui ne l'est pas. Hein? On espère pour le croyant, et on espère pour le pieux, et on craint pour le pécheur, hein, le châtiment d'Allah. Et ceux qui ont cette attitude-là, c'est comme je disais, les chrétiens et les juifs. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui mentionne ça dans le Coran quand il dit dans le verset 111 dans Surat al-Baqarah, et ils ont dit, personne n'entrera au paradis excepté s'il est un juif ou un chrétien. Donc ça y est, pour eux, c'est garanti pour eux le paradis. Et même beaucoup d'entre eux le disent, ils pensent que peu importe qu'est-ce qu'ils font comme péché, comme attitude, comme péché, comme action, de toute façon, pour eux, c'est garanti pour eux le paradis. Hein? Et même il y en a qui disent, tout le monde va rentrer au paradis, sans exception. Tout le monde. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de différence entre le fait de faire le bien ou le mal. Il n'y a pas de mérite à faire le bien et il n'y a pas de blâme à faire le mal parce que, à la fin, tout le monde va rentrer au paradis selon eux. Et quand tu dis à des gens que ceux qui sont non-croyants ou qui rejettent la foi, qui rejettent les prophètes, qui rejettent les messagers, ceux-là sont en enfer, hein? Ceux qui font le shirk et qui renient la foi, ceux-là sont en enfer. Ils disent, ah, mais votre religion, elle est dure, vous appelez à la foi, vous appelez à la crainte de Dieu, vous appelez à l'enfer, vous faites peur aux gens. Hein? Subhanallah, ils veulent une religion que dedans, il n'y a pas de crainte de Dieu, que comme si tu peux faire ce que tu veux dedans et tout. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que réellement, ils ne veulent pas suivre la vérité. Ils veulent uniquement suivre leur passion. Et quand ils parlent de Dieu, ils disent juste une chose. Dieu est amour. C'est ça seulement qu'ils connaissent. Hein? Et tu trouves ça aussi chez des soufis, parfois. Ils disent, le seul mot qu'ils connaissent, c'est l'amour, l'amour, l'amour. Comme si ils pensent que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul attribut ou le seul attribut qu'ils possèdent. Allah subhanahu wa ta'ala, il a 99 noms. Hein? Et parmi ces noms, il y a Al-Wadud, hein? Mais il y a aussi beaucoup d'autres. Hein? Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Alim. Hein? Et donc, il ne faut pas prendre juste une attribut d'Allah, puis tu laisses toutes les autres. Hein? Shadidul Iqab, wa alaykum salam wa rahmatullah. C'est comme il y en a qui disent Allahu Ghafurur Rahim. Chaque fois qu'ils font des péchés, ils disent Allahu Ghafurur Rahim. Et ils oublient qu'aussi il est Shadidul Iqab. Hein? Donc, il faut être dans la balance entre la crainte et l'espoir et l'amour. Et l'amour aussi, tu sais, souvent les soufis, ils utilisent ce terme, l'amour, l'amour, l'amour, ils pensent que c'est eux qui ont le monopole de ça. Hey, non, taban. Comme on a parlé de ça une fois dans le Dars d'Al-Uboudiyya, Cheikh Ibn Taymiyyah, il parle de ça, que le terme ishq, ça ne s'applique pas à Allah, parce que c'est pour décrire un amour entre un homme et une femme. Tu ne peux pas appliquer ça à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils appellent ça al-ishq. L'amour passionnel entre un homme et une femme. Tu ne peux pas appliquer ça à Allah pour parler de l'amour que tu as pour Allah. Hein? Ça, c'est les soufis, ils utilisent ce terme. Mais pour dire, par exemple, que la question de l'amour, c'est important, il n'y a pas de doute que c'est important. Même que les ulama de la sunna, ils disent que l'adoration, elle est basée sur deux choses, l'amour et l'humilité. Al-hub ou al-dhul. Donc ça, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'adoration sans amour. Et tu peux pas dire que tu adores Allah si tu l'aimes pas. Et tu peux pas non plus dire que tu adores Allah si tu ne t'es pas soumis à lui et que tu ne t'es pas humilié devant lui. Donc l'amour, c'est important d'aimer Allah, d'aimer son messager, d'aimer sa révélation, d'aimer ses prophètes, d'aimer les anges, d'aimer. Hein? L'amour, c'est une grande part de la foi et de l'adoration. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il ne faut pas l'utiliser comme on dit là, comme un slogan qu'on lance à tout vent là, comme ça, pour dans n'importe quelle chose, dans n'importe quel contexte, juste pour se faire montrer que nous, on aime la paix et l'amour et que tu vas laisser passer tout ce qui est faux. Hein? Aimer la vérité, ça implique qu'on déteste le mensonge. Aimer le vrai, ça implique de détester le faux. Hein? Si tu dis j'aime le vrai et j'aime le faux aussi en même temps, ça veut dire que en réalité ton amour il est bizarre. Il est pas correct. Donc si tu aimes Allah, tu dois détester ce que Allah déteste. Si tu dis j'aime Allah et j'aime ce que Allah déteste en même temps, ça c'est une contradiction, tu peux pas. Donc il faut qu'il y ait l'amour de la vérité et en même temps son contraire, la haine de son contraire, parce que sinon c'est pas de l'amour réel. Hein? Le cheikh il mentionne un autre verset qui est le verset 80 dans sourate Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit waqalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda, c'est-à-dire les juifs qui disent l'enfer ne va nous toucher que quelques jours, c'est-à-dire si on rentre en enfer, on va rester quelques jours seulement, puis après on va sortir. Donc le cheikh il dit فالذي يدعي أنه سيدخل الجنة فقد شابه اليهود والنصارى وكذلك لا يجوز للمسلم أن يشهد لغيره أنه في الجنة أو في النار لأنه لا يدري ما عاقبتهم إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم لأننا لا ندري مآلات الأمور التي يؤول لها العباد. وفي الحديث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان فقال الله من الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. C'est comme le cheikh il dit, celui qui prétend qu'il va rentrer au paradis, il est comme s'il pense qu'il est garanti au paradis, eh bien celui-là il a ressemblé aux juifs et aux chrétiens. Et il n'est pas permis donc aux musulmans de témoigner pour quelqu'un d'autre qu'il sera au paradis ou en enfer. Il y en a des fois, ils voient des musulmans qui font des péchés, disent « Ah, toi, là, c'est sûr, tu vas aller en enfer. Ah, toi, tu vas aller en enfer, c'est garanti. » A'ouzou billah. Qui t'a dit ça? C'est toi qui possède le pardon d'Allah entre tes mains? Hein? Subhanallah, même le kafir, il peut devenir musulman et entrer au paradis. Alors, tu dis d'un musulman, tu lui dis qu'il va être dans l'enfer. Tu connais pas sa fin. Tu connais pas comment il va terminer. Hein? On ne peut pas dire que quelqu'un sera au paradis, excepté si quelqu'un, on a vu dans le hadith que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit à son sujet qu'il serait au paradis. Dans ce cas-là, oui, on dit, oui, il sera au paradis, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit de lui qu'il sera au paradis. Mais quelqu'un d'autre, on ne peut pas. Hein? On ne sait pas comment il va finir. Et donc, il est mentionné dans un hadith qui est rapporté par Muslim, selon Jundub ibn Abdullah, il dit que l'histoire, le hadith au complet, ça mentionne qu'il y avait un homme qui, à chaque fois il rentrait, il voyait son compagnon qui faisait des péchés. Et lui, cet homme, il faisait beaucoup d'adoration. Alaykoum salam wa rahmatullah. Lui, il faisait beaucoup d'adoration, il faisait beaucoup d'efforts dans la prière, dans la piété. Alors quand il rentrait chez lui, il disait à l'autre, cesse de faire le péché, arrête de faire le péché. Et l'autre, il lui disait, est-ce que tu es venu pour me surveiller? Est-ce que tu as été envoyé pour me surveiller? Qu'est-ce que je fais? Abu Ufta ilayya raqiba. Hein? Est-ce que tu as été envoyé pour me surveiller? Après, il a dit, Wallahi la yaghfir Allahu lak. Le pieux, il a dit à l'autre qui faisait des péchés, je jure par Allah que Allah va pas te pardonner. Alors, qu'est-ce qui est arrivé au jour de la résurrection? Celui qui faisait les péchés, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, qui jure sur moi que je ne vais pas pardonner à un tel? Il dit, je lui ai pardonné. Et il a dit à l'autre, j'ai annulé tes œuvres. Toutes ces œuvres, il les a annulées. Et il est rentré en enfer. Subhanallah. Celui qui pense que à cause de sa piété, il est protégé de l'enfer, il est guidé. Il regarde tous les autres qui font des péchés avec mépris, comme si dans le sens que ça y est, ils sont perdus, garantis pour l'enfer. Subhanallah. Allah peut accepter leur repentance, ils peuvent se repentir, ils peuvent revenir de leurs erreurs et de leurs péchés. Toi, tu ne sais pas ça. Hein? Fais des doigts pour eux. Appelle-les vers le bien. Explique-leur les choses, mais ne prends pas des conclusions pour juger la fin de cette personne. Parce que tu ne sais pas. Hein? Le cheikh, il dit ensuite, وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Hujurat, le premier verset dans surat al-Hujurat, il dit, ô vous qui avez cru, ne vous mettez pas au devant d'Allah et de son messager. Ne dépassez pas Allah et son messager dans vos propos. Hein? Tu vois des gens qui étaient dans des états avant l'islam, ils étaient dans la mécréance. Tu peux même pas imaginer qu'est-ce qu'ils faisaient comme bêtises, qu'est-ce qu'ils faisaient comme péché, qu'est-ce qu'ils faisaient comme chose avant l'islam. Et quand tu les vois aujourd'hui, tu peux même pas imaginer qu'un jour ils étaient comme ça. Tellement ils ont changé. Tellement l'islam les a changés. Tellement Allah subhanahu wa ta'ala a changé leur cœur. Donc, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Même à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu lis dans les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des exemples de personnes qui étaient des mouchriquines, qui étaient des ennemis de l'islam, qui détestaient le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui détestaient le Coran, qui détestaient les musulmans, qui combattaient même contre les croyants, puis qui sont devenus parmi les plus grands musulmans dans l'histoire de l'islam par la suite, qui ont défendu la religion d'Allah, et qui sont devenus des grands sahaba par la suite. Donc, toi, tu ne sais pas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. C'est pas toi. Hein? Crée Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh, il dit, فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمْ أَنْ يَتَأَدَّبَ مَعَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَيَعْرِفُ قَدْرَ نَفْسِهِ وَلَا يُزَكِّيهَا. إلا القوم الخاسرون فما استثنى نبيا ولا صديقا. Donc le cheikh, il mentionne ensuite, il dit, l'obligation pour le musulman, c'est d'avoir un bon comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, tu dois avoir des bonnes manières avec Allah quand tu parles de lui, quand tu parles de sa religion, quand tu parles à propos des choses qui sont reliées à sa religion. Tu vas pas te purifier toi-même. Même aussi quand tu parles du messager, sallallahu alayhi wa sallam, quand tu parles de la sunna, tu dois avoir des bonnes manières, parler avec respect. Hein? Et donc, tu ne dois pas te purifier toi-même, alors que tu sais toi-même à quel niveau tu es, où tu en es dans ta religion, qu'est-ce que tu as comme manquement, comme faiblesse. Après, tu vas te vanter, tu vas te purifier et te prétendre dans la piété ou d'être d'une foi forte ou je sais pas quoi. Ça, c'est pas permis de prétendre ce genre de choses-là et de prétendre ce que tu n'as pas. Ni du point de vue de la science, que tu prétendes une science que tu ne possèdes pas, ou de prétendre des actions que tu n'as pas non plus. Et donc, d'un point de vue, ça, c'est une forme de vantardise. C'est comme si tu te vantais toi-même. Alors que la personne, elle ne sait pas par quoi sa vie va se terminer, hein, dans quelle situation il va être. Et deuxièmement, il y a dedans le fait de se sentir en sécurité contre le stratagème d'Allah. Hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans surat al-A'raf, est-ce qu'ils se sont sentis en sécurité contre le stratagème d'Allah? Et nul ne se sent en sécurité contre le stratagème d'Allah, excepté les peuples perdants. Se sentir en sécurité contre le stratagème d'Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu perdures et tu persistes dans le péché, hein, et tu vois que il y a du bien qui t'arrive malgré les péchés que tu fais. Et donc, tu continues dans le péché. Tu dis, si ce que je fais, c'est pas bien, pourquoi Allah, il me punit pas? Alors, tu continues. Et tu réalises pas que Allah, subhanahu wa ta'ala, hein, il ruse contre toi, alors que toi, tu t'en rends pas compte. Et la raison pourquoi il ruse contre toi de cette manière, c'est parce que tu n'as pas été sincère avec lui. Tu t'es détourné d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah te punit en te laissant t'enfoncer encore plus dans la désobéissance jusqu'à ce qu'il te saisisse par son châtiment au moment où toi tu t'en attendais même pas. Et ça veut dire qu'on ne doit jamais se sentir en sécurité contre la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce sens-là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il ruse contre qui? Il ruse contre ceux qui rusent. Il ne ruse pas contre quelqu'un qui est sincère. Parce que celui qui est sincère, il n'y a pas besoin de ruser contre lui. Mais celui qui se croit rusé avec Allah, et qui pense qu'il peut tromper Allah, eh bien, c'est celui-là qui se fait avoir. Il ne réalise pas, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est le meilleur comploteur contre ceux-là. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ hein? Le verset 99. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas exempté de ce verset aucune personne, alaykoum salam wa ta'ala, ni un prophète, ni un rapproché, un véridique. Après le cheikh, il dit, فَمَنْ قَالَ أَنَا فِي الْجَنَّةِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَمَنْ قَالَ أَنَا عَالِمٌ فهو جاهل لأنه حتى وإن كان عنده علم فإن فوقه من هو أعلم منه والله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول رب زدني علما وهو أعلم منه وهو القائل جل وعلا وفوق كل ذي علم عليم وما أكثر الذين يدعون العلم اليوم ويفتون ويتكلمون بغير علم وإنما يدعون مجرد الدعاء فقط فإن العلم يحتاج إلى عمل. Donc le cheikh il dit que comme on a dit, celui qui dit je suis dans le paradis, il est dans l'enfer, et celui qui dit je suis savant, c'est un ignorant. Même si il a de la science, il y a toujours quelqu'un plus savant que lui au-dessus, hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a même ordonné à son prophète, son messager, il lui a dit de demander, « Oh mon Seigneur, augmente-moi en science, en savoir, augmente-moi en connaissance. » Et c'est celui qui dit également, ça c'est le verset 114 dans surat Taha, et dans le verset 76 dans surat Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne, et il dit, « Et au-dessus de toute personne qui a de la science, il y a un savant. » au-dessus de lui. Hein? Et donc, il dit que aujourd'hui, tu trouves beaucoup de gens qui prétendent posséder de la science et qui font des fatwas et qui parlent, et qui émettent des verdicts religieux et qui parlent au sujet de la religion d'Allah sans science. Et ils ne font que prétendre d'avoir de la science seulement. Mais la science, ça demande, bien entendu, des actions et des œuvres qui viennent avec. Et le cheikh, il dit ça, et c'est très important. Et aussi, en même temps, peu importe combien de savoir tu as, peu importe combien de choses que tu connais, à côté de ce que tu ignores, c'est toujours rien. Hein? Peu importe des choses que tu sais, la quantité de science que tu possèdes, à côté de ce que tu ignores, c'est ce que tu connais, c'est minime. Ce que tu ignores, tu peux même pas le calculer. Hein? Exactement. L'exemple de Moussa alayhi salam avec le Khidr dans surat Al-Kahf, il y a cet exemple-là. Il y a beaucoup d'autres exemples. Et il n'y a personne qui peut prétendre que yani, il a tout connu ou qu'il comprend tout ou qu'il sait tout. Hein? Sauf un ignorant, effectivement. Et après, il dit Amma hadithu Abi Dhar, man idda'a ma laysa lahu, ma laysa lahu, fa laysa minna. وهو الذي ترجم له الشيخ رحمه الله بقوله من ادعى ما ليس منه أي أي شيء سواء ادعى علما لم يبلغه أو مرتبة لم يصل إليها أو ادعى أموال الناس وحقوقهم وهي ليست له فهؤلاء جميعا قد تبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فليس منا. Donc le cheikh il dit, et dans le hadith de Abi Dhar, celui qui prétend ce qu'il n'a pas ou ce qui n'est pas à lui, il n'est pas des nôtres. Il n'est pas des nôtres. C'est-à-dire que ça c'est là-dessus que le cheikh s'est basé pour mentionner le titre du chapitre en question. Et donc il a dit celui qui prétend ce qu'il n'a pas. Hein? Ce qui ne lui appartient pas. Et le cheikh, il dit, donc peu importe la chose en question que tu prétends détenir, tu prétends qu'elle est à toi, si c'est une science que tu n'as pas atteint, ou si c'est un degré que tu n'as pas atteint, ou si c'est des biens, les biens des gens que tu prétends, hein, qu'ils sont à toi, ou leurs droits que tu prends alors que ça ne t'appartient pas. Donc, dans tous ces cas-là, si tu fais ça, eh bien, c'est comme si il dit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est désavoué de toi. Il s'est désavoué de ceux qui agissent de cette manière-là. Il dit falaysa minna. Hein? Et quand il dit falaysa minna, c'est-à-dire c'est une menace sévère. Une menace sévère et un grave péché. D'accord? Donc ça, c'est ce qui vient terminer donc l'explication du cours pour aujourd'hui. Puis on va continuer, Inch'Allah, demain, le chapitre suivant. Et le chapitre de demain avec lequel on va commencer, c'est « Bab ad-da'wa fil ilm iftikharan », c'est-à-dire la prétention de la science par fierté ou vantardise, le fait de se vanter d'avoir du savoir, d'avoir de la connaissance, et que ça fait partie des grands péchés. Donc on va laisser ça pour demain, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et donc c'est des sujets qui ont rapport beaucoup avec l'humilité, hein, que le musulman il doit être humble tout le temps. Et plus il est savant, plus il est humble. Plus il est pieux, plus il est humble. Si quelqu'un il est orgueilleux et fier dans sa religion, ça veut dire que yani, il n'a rien compris. Nasallallahu alayhi wa sallam. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.